Écrire à partir d'une image, celle de doigts dont on ne voit pas la fin. Un petit geste coupé. Une tournée face à l'écran. Quand Beckett écrivait en français, c'était pour plus se bagarrer avec les mots. Quand moi j'écris en français, j'entends des paroles plus douces et un rythme que je pourrais rendre mêleux, qui me fait plaisir. Et la bagarre est autre. Si je m'entends parler, ce n'est pas que je m'écoute, mais j'aime mieux ma voix en français.